casse-toi les laisses et décroche-toi des branches. La liberté, c'est pas encore ce que tu crois. Tu vois, ça passe par la fraîche caresse de nos pas. Laisse-toi aller à dire des phrases qui désarment les armes des hirondelles. Mais laisse, je... Les superflus, les super forts. J'aime.